bâton sont dans les roues. Dans les roues. Love Kerry au rendez-vous. Rendez-vous. Si tu charges, on rend les coups. Tu me verras toujours debout. Je ne lâcherai jamais, jamais, jamais, non. Jamais, jamais, jamais, non. Jamais, jamais, jamais, non. Jamais, jamais, jamais, non, non. Chaque jour, je monte sur le RING. Quand sonne le réveil, sonne le G-O-N-G. J'fais du rap engagé, demande à MOV. Je ne reste muet quand j'ai AV. Quand j'ai AV. Tu veux ma tête, faudra plus qu'un billet. Faudra plus qu'un billet. Tu veux la guerre, faudra plus qu'un gilet. Ouais, faudra plus qu'un gilet. Bang, bang. Légende vivante, un des derniers piliers. Un des derniers piliers. Faut me scier les jambes si tu veux me voir plier. Yeah, yeah, yeah. Laisse-les croire que je sommeille. Laisse-les croire que je sommeille. Demain, je reviendrai comme le soleil. Je reviendrai comme le soleil. Frangin, le respect avant l'oseille. C'est certain, je suis pas de ceux qui croient que se monnaie. Je ne lâcherai jamais rien. Les bâtons sont dans les roues. Dans les roues. Love Kerry au rendez-vous. Rendez-vous. Si tu charges, on rend les coups. On rend les coups. Tu nous verras toujours debout. Toujours debout. Je ne lâcherai jamais, jamais, jamais, non. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais, non. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais, non. Jamais, jamais, jamais, non, non, non. Loin du showbiz et de leur artifice. Leur artifice, yeah. Je suis Mohamed Alix. Parfois je me sens seul, parfois je me sens triste. Parfois je me sens triste. Mais je retrouve la force dans les yeux de mon fils. Dans les yeux de mon fils, ouais. Je vainque la haine avec amour. Briser mes chaînes avec bravo. J'ai plané entre les colombes et les vautours. Si tu savais. Aujourd'hui encore j'attends mon tour. Du kilométrage dans les souliers. So, la pression j'en ai vu beaucoup plier. Quelques euros, quelques dollars peuvent nous lier. Pour quelques euros, quelques dollars tu peux m'oublier. Ça sera sans état d'âme. Nombreux sont les hématomes. Garde les pieds sur le macadam. Pas le même flow, le même atome. Ok. Veulent nous voir six pieds sous terre. Oh shit. Veulent savoir si j'ai souffert, ma mère. Les bâtons sont dans les roues. Dans les roues. Love Kerry au rendez-vous. Rendez-vous. Si tu charges, on rend les coups. On rend les coups. Tu me verras toujours debout. Toujours debout. Je ne lâcherai jamais.